And now, as promised, a short test. You'll hear four questions. Voici un exemple. Est-ce que l'hôtel des Vosges est dans le 4e arrondissement ou... Oh? Dans le 5e? Et pendant la pause, dites la réponse. L'hôtel des Vosges est dans le 4e arrondissement. Vous comprenez? Bon. Voici la première question. Est-ce que l'hôtel des Vosges est dans le 4e arrondissement ou dans le 5e? L'hôtel des Vosges est dans le 4e arrondissement. Voici la deuxième question. Est-ce que le premier dictionnaire est trop gros ou trop petit? Le premier dictionnaire est trop gros. Voici la troisième question. Est-ce que Georges prend pour Hélène un roman et un dictionnaire ou seulement un roman? Georges prend pour Hélène seulement un roman. Voici la quatrième et dernière question. Est-ce qu'il y a un portefeuille et un fax à l'hôtel pour Georges ou un message et une télécopie? Il y a un portefeuille et un fax à l'hôtel pour Georges.